Bonjour tout le monde. Chapitre 3. Question orale. We're getting ready for the test. Here are some questions that should help you prepare for the oral question of the Chapter 3 test. Répondez aux questions. Les réponses données ne sont qu'indicatives. Please answer the questions. The answers you will hear are only indications of what you could answer. You may change them as you see fit. Numéro 1. Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Numéro 2. Avez-vous des frères et des sœurs? Avez-vous des frères et des sœurs? J'ai une sœur, mais je n'ai pas de frère. Comment s'appelle votre mère? That's our number three question. Comment s'appelle votre mère? Quel âge a-t-elle? Comment s'appelle votre mère? Quel âge a-t-elle? Ma mère s'appelle Andrea. Elle a 80 ans. 4. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai deux fils. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai deux fils. 5. Parlez-moi d'une personne de votre famille. Talk to me about a person in your family. J'ai une sœur qui s'appelle Christiane. Elle habite à Grenoble, en France. Elle est grande et mince. Elle a 50 ans. 6. Combien de pièces est-ce qu'il y a dans votre maison? Il y a 10 pièces chez moi. Une cuisine, une salle de séjour, 4 chambres, 2 salles de bain et 2 toilettes. Combien de pièces y a-t-il chez vous? How many rooms are there in your house? 7. Dans votre chambre, est-ce qu'il y a un ordinateur? Oui, dans ma chambre, il y a un ordinateur. 8. Où est-il? Où est-il? Il est sur mon bureau. 9. Où est l'ordinateur du professeur? L'ordinateur du professeur est sur son bureau. And last question, be careful, it's a long one. So here's the first part. Qu'est-ce qu'il y a dans votre chambre? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de votre ami? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de vos parents? Qu'est-ce qu'il y a dans votre chambre? Dans ma chambre, il y a un lit et un bureau. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de votre ami? Dans sa chambre, il y a un lit, un bureau et un ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de vos parents? Dans leur maison, il y a un garage avec 2 voitures et des vélos. Dans leur maison, il y a un garage avec 2 voitures et 2 vélos. And that's a wrap for today. Merci et à demain.